Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. De la justice, suite. Partie potentielle de la justice ou vertus qui lui sont unies. Et, d'abord, la religion. Explication. On a vu, par la question précédente, que la religion prend rang parmi les parties potentielles de la justice. Ici, nous en considérons d'abord la nature, puis, nous en venons à l'examen des actes qu'elle produit, actes intérieurs, qui sont la dévotion et les actes extérieurs, qui comprennent l'adoration proprement dite. L'offrande des biens extérieurs par les sacrifices, les oblations, les dîmes, les vœux, enfin l'usage des choses divines par les sacrements, et l'invocation du nom de Dieu par le serment, l'adjuration et la louange. Passant aux vices opposés à la religion, nous traitons de la superstition et de ses différentes espèces, puis de l'irréligion ou irrévérence envers Dieu, par la tentation de Dieu et par le parjure. Enfin de l'irréligion ou irrévérence envers les choses saintes, par le sacrilège et par la simonie. Question 81. De la religion. La religion, qui met l'homme en rapport avec Dieu, est une vertu, distincte des autres, non théologale, mais morale, qui produit des actes extérieurs. Comparaison de la religion et de la sainteté. 1. La religion se rapporte-t-elle à Dieu seul? Cicéron définit très bien la religion, une vertu qui rend à la nature suprême le culte qui lui est dû. Quelle que soit l'origine du mot religion, que les uns font dériver de relire, d'autres de relier, d'autres de réélire, il est certain que la religion implique rapport à Dieu seul dont nous devons sans cesse relire les divins enseignements, auxquels nous devons principalement nous lier comme à notre principe indéfectible, et que, après le péché, nous devons réélire comme notre fin dernière, par le moyen de la foi. Note. La religion est deux sortes d'actes, les offrandes, les sacrifices, l'adoration et les autres pareils qui lui sont propres, puis ceux des autres vertus qu'elle commente pour la gloire de Dieu, selon cette parole de Saint Jacques. 1, 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, c'est d'assister les orphelins, etc. Quoi qu'il en soit, la religion, comme le dit Saint Augustin, désigne, dans le sens rigoureux, non un culte quelconque, mais le culte de Dieu, celui que les Grecs appellent la latrie lui appartient en propre. Fin de la note. 2. La religion est-elle une vertu? Tout acte bon revient à une vertu. Or, si c'est un acte bon de rendre à quelqu'un ce qu'on lui doit, la religion, dont le propre est de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, est nécessairement une vertu. 3. La religion est-elle une seule vertu? L'apôtre a dit, un seul Dieu, une seule foi, Éphésiens 4, 5. Les vertus ne se diversifiant que par l'idée diverse de leur objet, la religion, qui révère Dieu conçu sous une seule idée comme premier principe de la création et du gouvernement des êtres, ne forme évidemment qu'une seule vertu. N'est-ce pas pour nous faire entendre cette vérité que Dieu lui-même a dit, « Si je suis votre Père, où est l'honneur que vous me devez ?» Malachie 1, 6. C'est à un Père, en effet, qu'il appartient de produire et de gouverner. Note. Les trois personnes divines, qui sont un seul principe de la création et du gouvernement de l'univers, sont adorées par la seule et même vertu de religion, car les attributs divins, que nous connaissons sous des idées différentes, concourent dans leur ensemble à former la notion du premier principe, Dieu produit et gouverne tout par sa sagesse, par sa volonté, par sa puissance et par sa bonté. Bien que la religion ait plusieurs sortes d'actes, elle n'en est pas moins une seule vertu par laquelle nous professons l'excellence suprême de la divinité et notre propre dépendance. L'honneur rendu aux images ne diversifie ni l'idée du culte, ni la vertu de religion, on les vénère comme des représentations qui conduisent l'esprit au Dieu incarné. Fin de la note. 4. La religion est-elle une vertu spécialement distincte des autres vertus? L'honneur est dû à quelqu'un en raison de son excellence, Dieu, qui a une excellence toute spéciale puisqu'il est infiniment élevé au-dessus de tous les êtres, a droit à un honneur particulier, car, même parmi les hommes, on rend des honneurs différents aux parents, aux magistrats et aux rois. La religion est donc une vertu particulière, spécialement distincte des autres vertus. Note. Cela ne veut pas dire qu'elle n'embrasse point les œuvres des autres vertus, elle commande, au contraire, à toutes celles qui ont pour but la gloire de Dieu, soit qu'elles les prescrivent, soit qu'elles les produisent. Fin de la note. 5. La religion est-elle une vertu théologale? Puisque la religion consiste à rendre à Dieu le culte qui lui est dû, il y a deux choses à considérer en elle, d'abord le culte, qui est son objet matériel, ensuite Dieu même, à qui le culte est offert. Elle n'atteint pas Dieu immédiatement comme la foi, elle produit seulement, pour l'honorer, des oblations, des sacrifices et d'autres actes semblables. Dieu est sa fin, mais non sa matière ou son objet. Comme elle concerne seulement les moyens de nous élever à Dieu, elle est une vertu morale, et non une vertu théologale. Note. La religion est une vertu morale commandée par les vertus théologales, elle fait partie de la justice, vertu morale. Fin de la note. 6. La religion l'emporte-t-elle sur les autres vertus morales? Le décalogue place au premier degré les préceptes relatifs aux devoirs de la religion. Les moyens tirent leur bonté de leur rapport avec la fin qu'on se propose, plus ils l'atteignent de près, meilleurs ils sont. Or, parmi les vertus morales, qui toutes se rapportent à Dieu comme des moyens à une fin, la religion, dont le propre est de produire directement et immédiatement des œuvres en l'honneur de la divinité, approche de Dieu plus que les autres. Elle est conséquemment la plus excellente de toutes les vertus morales. 7. La religion a-t-elle des actes extérieurs? David disait, « Mon cœur et ma chair ont tressailli dans le Dieu vivant », Psaume 83:3. Si nous rendons à Dieu des honneurs et des hommages, ce n'est pas pour être utile à sa gloire, elle est telle, qu'aucune créature n'y saurait rien ajouter, mais c'est que la perfection de notre âme consiste dans la soumission qui rend hommage à la majesté suprême, car tout être est perfectionné par son union avec son supérieur, comme le corps l'est par l'âme, et l'air par la lumière. Or, pour s'élever à Dieu, l'esprit humain a besoin du secours des choses sensibles, puisque, selon l'expression de l'apôtre, les perfections invisibles de Dieu sont manifestées par ce qui a été fait. Romains 1, 20. Il faut, en conséquence, que l'homme se serve, dans le culte divin, de certaines choses corporelles qui l'aident à produire les actes spirituels par lesquels il doit s'unir à Dieu. Si donc la religion a pour opération principale des actes intérieurs qui lui appartiennent essentiellement, Elle a aussi pour opération secondaire des actes extérieurs en rapport avec les actes intérieurs. Note. Le Sauveur a voulu nous indiquer les actes principaux du culte en disant « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. On offre les choses extérieures en signe des actes intérieurs et spirituels. Le sacrifice visible, dit saint Augustin, est le sacrement, c'est-à-dire, le signe sacré du sacrifice invisible. Fin de la note. 8. La religion est-elle la même chose que la sainteté? La pureté et la fermeté, voilà ce qui caractérise la sainteté. La pureté unit l'âme humaine à Dieu, après l'avoir dégagée de la souillure des choses inférieures. La fermeté l'attache d'une manière inébranlable à son premier principe et à sa fin dernière, conformément à cette parole, « Je suis certain que ni la vie ni la mort, rien ne me séparera de la charité de Dieu. » Romains 8, 38 et 39. Dès lors la sainteté peut se définir, l'état habituel d'une âme qui a voué à Dieu son existence et ses actes. Elle comprend, sans aucun doute, la religion, mais elle en diffère rationnellement. La religion s'occupe spécialement des sacrifices et des oblations dont se compose le culte divin. La sainteté, allant plus loin, rapporte à Dieu les actes des autres vertus et nous dispose au culte divin par la pratique des bonnes œuvres. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.